Chapitre 15e. Le loup dans la bergerie. Le lendemain, au soir, en compagnie de Silafide, Karim est dans un tout petit local. Le lieu est très modeste, éclairé par une seule lampe électrique accrochée par un fil au plafond. Une réunion est en cours. Les présents sont une dizaine, jeunes pour la plupart, l'expression tendue. Silafide les informe. Je me suis permis d'inviter mon ami et voisin d'immeuble, Karim. Il fait partie de la section syndicale autonome de l'hôpital. M'ayant interrogé sur l'autogestion, je lui dis de venir, pour l'avoir fonctionné ici concrètement. Des rires amicaux répondent à ces paroles. Ali, un membre du groupe, de l'âge de Karim, intervient, d'une voix calme, simple, sans aucune emphase. « Parmi nous, lui explique-t-il, il n'y a pas de chef. Nous le sommes tous. Malheureusement, il n'y a pas de femme chômeuse parmi nous, pour le moment. Nous essayons de les convaincre de venir défendre leurs droits. » Actuellement, une seule nous a rejoints. Il désigne une jeune fille assise sur un vieux banc de bois. Elle porte une djellaba féminine sombre, mais son visage est découvert. Karim reconnaît avec surprise et plaisir Zara. Se tournant vers Silafide, il précise « C'est notre voisine du rez-de-chaussée. »« Ah !» dit le vieil homme, tout content. Ali expose la situation. À tour de rôle, chacun de nous représente notre comité. Celui qui sait comment faire le représentant l'apprend aux membres qu'il ignore. Et nous prenons nos décisions de manière totalement libre, après une discussion franche entre nous. Nous préférons discuter le plus longtemps possible pour parvenir à l'unanimité. C'est très important pour assurer l'unité et la cohérence de notre groupe. Autrement, nous suivons la décision de la majorité. L'égalité absolue entre nous, la liberté totale d'expression et la solidarité parmi nous, voilà notre ciment unificateur. C'est notre force. En plus, n'ayant pas de chef parmi nous, les autorités ne peuvent pas nous neutraliser en emprisonnant cet éventuel chef. Cependant, nous reconnaissons que certains parmi nous sont plus instruits que les autres. Cela ne leur donne pas le droit de se croire supérieurs ou de jouer au chef. Ce qu'on attend d'eux, et c'est ce qu'ils font, c'est de fournir leur savoir à ceux qui en manquent. C'est cela notre autogestion, nous les chômeurs. Et chez vous, dans votre section syndicale, comment vous fonctionnez? Karim est un peu embarrassé. Pas tout à fait comme chez vous. Chez nous, il y a une tendance à croire que celui qui sait le plus doit être le chef. Cela crée des problèmes, évidemment. Cette envie de jouer au chef est notre principale difficulté, c'est notre faiblesse. Chez nous aussi, ce problème est apparu. Nous avons rapidement compris qu'il menaçait notre activité et nous l'avons résolument éliminé. De même, des représentants de partis politiques sont venus nous voir. Là aussi, nous avons compris que leur but n'était pas de nous soutenir en respectant notre autonomie, mais de nous utiliser dans leur tactique politique, rien d'autre. Alors, nous les avons remerciés. Nous préférons compter uniquement sur nos propres forces. Néanmoins, bienvenue au soutien à condition qu'ils ne pensent pas faire de nous des marionnettes à leur service. Ceci dit, quelqu'un nous a aidés dans notre action, et nous lui sommes infiniment reconnaissants. Il indique avec respect Silafide. Karim, étonné, le regarde comme pour l'inviter à lui fournir plus ample information. Ali s'adresse à Silafide en indiquant Karim. « Tu l'expliques ou je lui explique ?»« Je t'en prie, » invite le vieil homme, en joignant le geste à la parole. Ali reprend. Silafide, juste après l'indépendance, fait partie d'un comité d'autogestion. C'est lui qui nous a parlé pour la première fois d'autogestion et nous a expliqué son fonctionnement et ses objectifs. Ce fut pour nous, jeunes, une très belle surprise. Nous n'en savions rien, sinon que c'était une mauvaise chose, du désordre, bref, une catastrophe. Elle était confondue avec les actes prétendus socialistes des régimes d'après l'indépendance. En écoutant Silafide, nous avons découvert la vérité. Nous avons constaté l'imposture et compris que l'autogestion fut une expérience merveilleuse, malheureusement étouffée. Néanmoins, il est possible de la reprendre en nous efforçant d'éviter son élimination par ses adversaires. Nous savons combien ils sont forts, nombreux et sans pitié. Mais les colonialistes, avant le déclenchement de la guerre de libération nationale, n'étaient-ils pas aussi forts, nombreux et sans pitié? Alors nous devons reprendre le flambeau de nos aînés. Eux, ils voulaient et ont obtenu l'indépendance. À nous d'établir dans notre pays la liberté et la solidarité. Ces paroles pénètrent dans l'esprit de Karim, telles des flammes ardentes lui réchauffant le cœur, de lumineux rayons de soleil lui éclairant l'esprit. Son exaltation est si forte qu'elle provoque en lui l'envie de crier sa joie. Aussitôt, un autre désir le saisit, irrésistible. Il se précipite vers Ali et l'enlace fougueusement. Celui-ci l'enveloppe également de ses bras. Les deux restent ainsi liés l'un à l'autre pendant un long moment. À cette éclatante manifestation de fraternité, si la fille est très émue, tandis que Zara est profondément troublée. Le lendemain, elle rend compte de la réunion à son chef policier dans son bureau. « Ah là, je te félicite, lui dit-il, tu as fait du bon travail. Il faut que tu parviennes à savoir s'il y a d'autres personnes derrière les membres du comité, en plus de ce vieux Lafide. » En quittant le bureau, Zara marche sur le trottoir de la rue principale du centre-ville. Pour la première fois, elle jette un coup d'œil sur la plaque en haut du mur. Elle indique « Rue Larbi Ben Mehdi ». Ce nom résonne en elle. Zara s'arrête et réfléchit. Un portrait vu plusieurs fois à la télévision lui revient. Le visage souriant, confiant et serein de cet homme, ou plutôt jeune homme d'une trentaine d'années. À ce souvenir tout à fait inattendu, que seul un psychologue chevronné des profondeurs humaines pourrait expliquer, Zara sent quelque chose la tourmenter, sans parvenir à connaître le motif. L'image du patriote souriant et confiant, dans la fleur de son âge, mort pour l'indépendance, est soudain remplacée chez Zara par celle de Karim et Ali enlacés fortement. Quand Zara reprend sa marche, cette dernière image persiste dans son esprit, longtemps, très longtemps. Elle crée dans l'intimité de la jeune fille quelque chose de vague mais constant, où s'alterne une sensation de glace à une autre d'intense chaleur. Pourtant, ce n'est pas la période de mes menstruations. Soudain, une dernière image surgit dans son esprit, un loup dans une bergerie. Et ce loup, c'est elle, et les agneaux, ce sont les chômeurs, ainsi que c'est la fille des Karim. Les jambes de Zara semblent l'abandonner. Elle les secoue vivement pour leur redonner vie, puis elle s'immobilise, met précipitamment son dos contre un mur, respire profondément, des gouttes de sueur apparaissent sur son front. Après quelques secondes, pour ne pas attirer l'attention des passants, elle se ressaisit et continue son chemin. Elle s'efforce de ne penser à rien d'autre qu'à ceci. « Il faut que je parvienne à rentrer à la maison.